En 35 ans de carrière, il a toujours suivi les règles. Toute ma vie, j'ai eu pour ambition d'être une personne honnête. Mais pour sa dernière nuit en service, sa vie entière va basculer. Dernière nuit à Milan. Après Le Traître, Pierre Francesco Favino revient dans un thriller haletant. Présenté au dernier festival de Berlin. Dernière nuit à Milan. Le 7 juin au cinéma. France Inter. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'histoire d'une mystification née à Toulouse en 2003 et dont Dominique Baudis a été l'une des victimes. Pendant des mois, l'ancien maire de la ville a été accusé à tort de proxénétisme, viol, meurtre et actes de barbarie en compagnie du serial killer Patrice Allègre. Présentée ainsi, l'histoire semble improbable, d'autant plus qu'elle ne concerne pas seulement Dominique Baudis, non, elle a éclaboussé des policiers et des magistrats ainsi que d'autres hommes politiques. Et pourtant, durant des mois, dans une hystérie collective, l'invraisemblable va devenir possible et faire la une jour après jour des quotidiens régionaux jusqu'aux journaux télévisés les plus regardés. Oui, durant des mois, gendarmes, juges et journalistes vont s'intoxiquer les uns les autres jusqu'à piétiner les règles les plus élémentaires d'une instruction judiciaire comme d'une enquête journalistique. Alors, comment cela a-t-il été possible? Où et quand est née cette calomnie? Comment la justice a-t-elle finalement pu éteindre l'incendie? Notre invité aujourd'hui, Mathieu Aron, grand reporter et conseiller éditorial à l'Obs, ancien journaliste de France Inter, dont il a dirigé la rédaction. En 2003, il a couvert cette affaire à Toulouse pour France Info. Deux ans plus tard, il en a écrit avec Marie-France Etchegoïn un ouvrage intitulé « Le bûcher de Toulouse ». Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Janvier 2003, Toulouse. Patricia, une ancienne prostituée, est convoquée pour la septième fois par les gendarmes de la cellule homicide 31. Étrange lieu que ces bureaux aménagés dans un F3 spartiate et exigu de la caserne de Courrèges. Il y a deux lignes téléphoniques, quelques ordinateurs, des piles de dossiers et une photocopieuse calée là, dans la salle de bain, face au lavabo. Il n'y a ni cellule, ni salle d'interrogatoire. Homicide 31 n'est pas un service comme les autres. Ici, on ne cherche pas d'assassins. Non, on traque les crimes oubliés d'un serial killer français, Patrice Allègre. En février 2002, cet homme est reconnu coupable de 5 meurtres, d'une tentative d'assassinat et de 6 viols. Durant ce procès, à l'issue duquel il est condamné à la réclusion à perpétuité, Allègre est resté muré dans son silence. Pourtant, des mystères demeurent sur son parcours, notamment cette période de 7 années durant lesquelles il n'aurait pas tué. C'est bien cela qui hante le gendarme Michel Roussel, un des enquêteurs toulousains qui a participé à sa traque. Et si Allègre n'avait pas tout dit? Et si les enquêteurs n'avaient pas élucidé tous ses crimes? C'est ce que pense Roussel. Alors, seul, il décide d'explorer le dédale des souvenirs d'Allègre pour retrouver, qui sait, des corps enfouis. Durant cette enquête, l'adjudant-chef Roussel découvre le programme informatique Anacrim, une aide de camp sans âme qui permet, après un minutieux travail de compilation, de révéler des liens entre divers dossiers. Alors, nuit et jour, Roussel nourrit la machine, il tape les noms, les dates, les adresses et les détails des scènes des crimes dont est accusé Allègre, ainsi que des dossiers de 191 affaires non résolues qui se sont produites entre 1985 et 1997 dans la région toulousaine. Obsédé et convaincant, Roussel persuade ses supérieurs de créer une cellule spécialisée sur cette mission. C'est ainsi qu'Homicide 31 voit le jour. Après des mois de collecte, Roussel accroche sur l'un des murs de l'appartement de la caserne un gigantesque croquis concocté par la machine. Y apparaissent les connexions entre Allègre et les vies des victimes dont on ne sait rien des derniers instants. 5 crimes ressortent du lot. Parmi eux, 4 concernent des ex-prostituées, dont Lynn Galbardi. c'est le fantôme de cette Canadienne retrouvée morte le 2 janvier 1992 dans une chambre d'hôtel dans le quartier de la gare toulousaine qui relance l'affaire Allègre. Pendant des semaines, les 8 gendarmes d'Homicide 31 tentent de retrouver des connaissances de Lynn. C'est ainsi qu'ils tombent sur Patricia. Face aux enquêteurs, la jeune femme ne se fait pas prier. L'ex-prostituée parle beaucoup. Pendant des heures, elle raconte son histoire, ses galères de mère, puis décrit le monde de la nuit à Toulouse pendant les années 90. Lynn Galbardi, elle l'a connue, oui, bien sûr. Sa mort, selon elle, oh, c'est simple, c'est son Mac, un Algérien du nom de Lardar Messaouden. Bien, les gendarmes notent, puis l'interrogent pour détailler certains points et vérifier ses dires. Au fil des auditions, ses confidences deviennent floues. Patricia se contredit sans cesse. Alors, les gendarmes doutent et se demandent même s'il n'a pas été complice de l'assassinat de Lynn. De fait, ce 8 janvier 2003, Patricia reconnaît avoir menti. Je vais vous dire enfin toute la vérité sur ce qui s'est passé. Allègre faisait partie d'un réseau. Il essayait les filles et c'est lui qui décidait. En ce qui me concerne, j'ai subi des séances très violentes. Il m'a placé une lanière en cuir, préalablement mouillée autour du cou jusqu'à ce que je devienne vraiment violette. Les séances pouvaient durer 5 heures. Pendant 3 heures, devant Roussel et ses hommes, Patricia raconte les séances sadomasochistes quotidiennes. Les mots sont crus, les scènes décrites sont presque insoutenables, tant la violence y surgit à chaque phrase. Lors de cette audition, Patricia va plus loin. Elle indique qu'Allègre aurait tué Lynn et qu'il était protégé par des policiers corrompus et violeurs. Soupçonnée avant l'interrogatoire, la jeune femme devient la victime d'une affaire incroyable où se mêlent meurtre, viol et corruption. Un mois plus tard, le 5 février 2003, la machine judiciaire s'enclenche. Une enquête préliminaire pour des faits de proxénétisme confiée à Roussel est ouverte. Le 10 février, Patricia est une nouvelle fois interrogée. Et une nouvelle fois, ses révélations laissent les enquêteurs sans voix. Il m'est arrivé de monter avec Dominique Baudis à l'hôtel de l'Europe avec Patrice Allègre pour une partie à trois de sadomaso avec objet. Durant ces moments, Monsieur Baudis est Nénette. Enfin, du moins, c'est le nom que lui donnait Patrice. Dominique ne faisait jamais l'homme. Dominique se faisait attacher avec une laisse et un collier clouté. J'étais vêtue en cuir et je jouais la dominante jusqu'au moment où Patrice pétait les plombs. Toujours avec Baudis, il me prenait en compte et c'était très violent. L'horreur, dans toute sa splendeur. Le lendemain, Patricia est placée en garde à vue. Face à un autre gendarme, elle confirme ses propos. Dominique Baudis, l'ancien maire de Toulouse, élu à 3 reprises entre 1983 et 2001, président du CSA, aurait donc été, au début des années 90, un habitué d'un hôtel miteux où se déroulaient des séances sadomaso en compagnie d'un tueur. Cela peut paraître complètement fou, mais si c'était vrai, si cette femme soupçonnée au début de complicité de crime était en fait une victime. Vérité au mensonge, notre justice est en théorie apte à accompagner et mettre à distance la parole des victimes. Le secret de l'instruction permet en principe de protéger le travail d'investigation qui détermine si les charges évoquées sont suffisantes ou non. En théorie, le temps aurait dû permettre à ces allégations d'être vérifiées avant qu'elles ne soient jetées sur la place publique. En théorie. Car le 18 février, le quotidien régional La Dépêche du Midi titre « Allègre, nouvelle révélation ». Le lendemain, au journal de France 3, le commandant de la section de recherche de Toulouse, Philippe Henry, confirme qu'une information incroyable autour de Patrice Allègre remonte à la surface, qu'un nouveau chapitre de ce dossier est en train de s'écrire. Les investigations menées dans le milieu de la prostitution toulousaine nous montrent un personnage qui est beaucoup moins noble en matière d'exécution de victimes, mais un personnage plutôt crapuleux, qui vit de la prostitution, qui trafique dans les stupéfiants. Un personnage, donc, plutôt un autre masque de l'affaire Allègre, ce que les enquêteurs doutaient de mettre à jour. Quinze jours plus tard, dans l'édition du 1er mars, le correspondant local du Figaro donne un peu plus d'infos à ses lecteurs. Le journaliste qualifie Allègre de rabatteur qui rendait des services à des amateurs de parties fines. Sans que les propos de Patricia soient vérifiés, les avancées de Messi 31 sont évoquées dans la presse. Et cela tombe assez bien, car comme chaque année, la cellule d'investigation passe un grand oral afin de statuer sur la poursuite ou non de ses activités. Le 6 mars, les autorités compétentes sont sur place et félicitent les dernières avancées de la cellule, logiquement reconduite dans sa mission. Félicités, les gendarmes poursuivent leurs investigations. Après Patricia, c'est une ancienne de ses collègues, Fanny, qui est entendue. Elle a 34 ans, elle est mère de famille, déjà interrogée à de nombreuses reprises au sujet de Lynn Galbardi. Connaît-elle Patricia ? Oui. Or, la relation entre ces deux femmes n'est pas née sur le trottoir, mais de l'initiative du gendarme Michel Roussel et du procureur en charge du dossier. Oui, parfaitement. Les deux hommes pensent que le silence de ces témoins est lié à une peur. Alors, pour briser cette crainte, les gendarmes et le procureur convoquent au même moment Patricia et Fanny, ainsi que deux autres ex-prostituées interrogées elles aussi dans le cadre de l'enquête sur la mort de Lynn Galbardi. La rencontre se déroule le 12 décembre 2002 au palais de justice, puis dans un café. Les enquêteurs souhaitent créer un climat de confiance, alors quoi de mieux que de prendre un verre? Et apparemment ça marche, car après avoir discuté et plaisanté, les témoins s'échangent leurs numéros. Se sont-elles appelées par la suite? Évidemment. Est-ce que cela a eu des conséquences sur leurs auditions suivantes? Bien sûr. Fanny, par exemple, avant cette rencontre, n'avait jamais évoqué la présence du Mac Messaouden. Le 11 février, en revanche, elle se souvient de lui et de ses accès de violence. Un mois plus tard, d'autres souvenirs ressurgissent. Le 14 mars, elle accuse des magistrats de l'avoir violée de façon quotidienne dans l'enceinte même du palais de justice. Selon ses dires, des policiers l'embarquaient 2 à 3 fois par semaine pour la livrer à des magistrats. Elle aurait ainsi subi entre 500 et 750 viols dans l'enceinte du palais. Durant l'interrogatoire, on lui présente un annuaire de la magistrature. Page après page, Fanny coche les noms de ses violeurs. Trois semaines plus tard, l'information s'ébruite. Le 1er avril, dans l'article de Gilles Souillas, la Dépêche du Midi, on peut lire... Quelle sordide et incroyable vérité se dissimule derrière l'itinéraire meurtrier de Patrice Allègre. Le portrait du meurtrier compulsif se teint aujourd'hui d'un tout autre profil au fur et à mesure que les gendarmes de la cellule homicide 31 remontent patiemment dans un passé vieux de 11 ans, jonché de cadavres et d'autant d'affaires criminelles non élucidées ou bizarrement classées en suicide. Les journalistes parlent ensuite d'une étrange impunité, puis indiquent que le témoignage de l'ex-prostituée va sans doute ébranler les services de police, mais aussi l'establishment toulousain. À partir de cette date, article après article, Gilles Sillas affine les traits du portrait robot des accusés. Le 2 avril, il parle d'un acteur judiciaire dans cette affaire. Le 4 avril, il cible un magistrat du parquet vers lequel les présomptions convergent dans la procédure. Étrange, car pour l'instant, aucun magistrat ne semble être plus inquiété qu'un autre. Mais dans les couloirs du palais de justice, comme dans les bureaux de la presse locale, un nom sort du lot, Marc Bourraguet. A-t-il été cité par les témoins? Non, à aucun moment jusqu'à la mi-avril. Fanny comme Patricia ont-elles pu être influencées par ces bruits de couloirs? Une chose est sûre, c'est qu'avant le 16 avril, jour où Patricia cible pour la première fois Marc Bourraguet, l'ex-prostituée a tenu 7 jours plus tôt une conférence de presse. Ce 9 avril 2003, au cabinet de son avocat, elle se présente pour la première fois devant les journalistes. Un foulard et des lunettes noires dissimulent son visage. Devant la caméra de France 3, d'une voix grave, elle dit vouloir rompre une loi du silence, mais se refuse pour l'heure à donner des noms. Dans votre déposition, vous avez parlé d'une personnalité particulièrement importante. Oui. Vous le maintenez? Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Une séance sado, avec des instruments, avec... Voilà. Il y avait Patrice Allègre. Bien sûr. Vous. Oui. Et cette personne. Oui. Si la Dépêche du Midi publie dès le lendemain les confidences de Patricia, France 3 ne diffuse pas pour l'instant l'extrait de l'interview que vous venez d'entendre. Sage précaution, car de cette femme, finalement, les journalistes ne savent rien, mis à part les bribes d'audition qui se sont échappées du dossier d'instruction. Alors, qui est-elle? Est-elle saine d'esprit? Comment s'est-elle retrouvée face aux gendarmes de la cellule Homicide 31? Ces allégations sont-elles possibles, crédibles? Face à tout cela, les journalistes restent prudents. Mais le 15 avril, le procureur Michel Braillard ouvre une information judiciaire pour viol aggravé et proxénétisme en bande organisée. Qui dit information judiciaire signifie que les auditions de ces ex-prostituées sont prises très au sérieux par la justice, évidemment. De Toulouse à Paris, de la presse écrite à la télé, dans les salles de rédaction de toute la France, c'est l'effervescence. Le lendemain, à 20h, sur TF1, Patricia parle. Nous avons monté une par une à l'hôtel de l'Europe. On était trois filles à assister à la scène. Il l'a abattue et il l'a étranglée. Et on nous a obligés à regarder la scène avec les yeux grands ouverts. Et vous avez eu peur ? C'est même pas de la peur, ça a été l'horreur. Devant les millions de Français, Patricia accuse. Patrice était protégé par la structure de la magistrature, par les policiers. Il a réagi des policiers. Nous, les filles, on devait leur remettre une enveloppe toutes les semaines et on était tranquilles. Patrice, eh bien, lui, il arrosait tout le monde une fois par mois. Et pourtant, à part ces paroles de victimes présumées, les enquêteurs n'ont rien, non, aucun élément probant sur la possible participation de magistrats, de policiers ou d'hommes politiques à ce réseau de proxénétisme, à ces violences, à ces meurtres. Et Allègre, dans tout ça, qu'en pense-t-il? Le 24 avril, il est sorti de prison, puis interrogé une première fois. Il nie avoir tué des prostituées, mais reconnaît avoir pris un apéritif un jour avec un substitut. Trois semaines plus tard, le 12 mai, Allègre est confronté à Patricia et Fanny. Il nie les connaître, tout comme il réfute avoir un lien avec la mort de Lynn Galbardi. Le même jour, dans l'Est républicain, face à la rumeur persistante, Marc Bourraguet prend les devants et révèle au public ce qui se murmure dans les couloirs du palais. Oui, il a rencontré, par hasard, Patrice Allègre, lors d'un apéritif, bien avant qu'il soit soupçonné de crime. Non, il n'a pas couvert des actes de proxénétisme et de meurtre. Non, il n'a jamais abusé et violé des prostituées. Deux jours plus tard, le 14 mai, le magazine Marianne révèle à ses lecteurs que l'un des noms qui se cache derrière le sobriquet de notable, c'est le maire de Toulouse. Alors, pour la première fois, le nom de Dominique Baudis apparaît dans la presse. Quatre jours plus tard, le 18 mai, sur le plateau du 20h de TF1, celui-ci décide de faire face à la calomnie. Cela suffira-t-il à faire taire la rumeur? Quand la raison sera-t-elle de retour au sein des rédactions et de la gendarmerie? I'm fooling myself. 'Cause you say you love me. face à une calomnie comme celle-là, il ne faut pas faire le gros dos, faire la sourde oreille, faire semblant de ne pas entendre. Au contraire, la calomnie, je vais l'affronter face à face, les yeux dans les yeux, et je vais la prendre à la gorge. Évidemment, je n'ai jamais, ni de près, ni de loin, fréquenté Patrice Allègre. Vous ne le connaissiez pas, pas du tout. Fréquenté les proxénètes, ni participé ou organisé des soirées barbares. Et d'ailleurs, tout ça sera très facile à vérifier. Vous savez, quand on est maire, quand on exerce une responsabilité publique, on a des emplois du temps qui vont de 8h du matin jusqu'à 9h du soir, et à chaque instant, on sait où on est. Les magistrats auront vite fait de balayer tout ça. Ce 18 mai 2003, Dominique Baudis parle. Ce sera sa dernière intervention. Il est sur le plateau du 20h de TF1. Sa voix est ferme, assurée. Enfin, le pense-t-il, car à l'écran, l'impression des téléspectateurs est tout autre. Sous les projecteurs du plateau, Dominique Baudis transpire. Et de ces quelques gouttes sur un front vont naître un trouble, un doute, une interrogation. Et si Baudis mentait ? Déjà aux aguets, journaux, radio et télé font la seconde affaire Allègre, le sujet numéro 1, vrai ou fausse, l'histoire est dans les deux cas hors norme. Dès le journal de la nuit, ce 18 mai, France 2 diffuse les confidences de l'ex-prostituée Patricia, qu'ils avaient jusqu'alors gardées secrètes. Le 22 mai, les téléspectateurs du journal de 20h de TF1 découvrent Jamel, un travesti, ancien prostitué, absent des radars, des enquêteurs. Dos à la caméra, l'homme confirme les propos de Patricia et Fanny et raconte les soirées sadomaso qui se déroulaient dans une demeure aux abords de la Ville Rose où parfois des gens mouraient. Cuir, fouet, notable et corps sans vie, les révélations semblent sans fin. Deux jours plus tard, concurrence oblige, le journal de France 2 diffuse lui aussi un entretien enregistré la veille avec Jamel. À 13h d'abord. Est-ce que ces fantasmes étaient filmés ? À une époque, ça a été filmé et je prenais des photos. Ce qui permettait de remasteriser leurs fantasmes chez eux avec les cassettes et les photos. Puis à 20h, dans une version plus longue où l'on apprend que les victimes étaient parfois des enfants disparus. Elle s'appelait Cécilia et son vrai prénom c'est Marion. On disait que c'était la petite Marion Wagon. Comment vous pouvez être sûr de ça ? J'ai vu sa tête. Je lui ai parlé. Marion, cet enfant dont le visage a été affiché pendant des années dans les commissariats et aux abords des routes, aurait-elle été l'une des victimes de ce réseau de notables barbares ? À la suite de ces confidences télévisuelles, Jamel est interrogé par les enquêteurs. Devant eux, il explique que des preuves photographiques et des vidéos existent. Il donne les lieux. Les gendarmes y vont, bien sûr, et ne trouvent rien. Le 28 mai, Jamel est placé en détention et mis en examen pour témoignage mensonger. Tout ce qu'il a dit était faux. Pris dans l'urgence d'une affaire qui s'accélère, sous la pression sans doute des directeurs de la rédaction, le journal de France 2 a diffusé ce témoignage sans retenue. Et pourtant, de nombreux indices sur la fiabilité des dires de Jamel auraient dû alerter, notamment le fait qu'il se présentait comme le fils de Michael Jackson. Florence Boukia, qui a signé ce reportage, le reconnaît elle-même dans l'émission L'Hebdo du Médiateur, quelques jours après la mise en examen de Jamel. J'étais au courant de l'histoire du fils de Michael Jackson. Il est évident, quand on rencontre cette personne, qu'on se rend compte tout de suite qu'elle a, on va dire, certains problèmes psychologiques. Il faut faire très attention à une chose, c'est pas parce que quelqu'un a des problèmes psychologiques avérés que tout ce qu'il dit est forcément faux. Et en l'occurrence, c'était quand même compliqué de pouvoir vérifier aussi vite tout ce qu'il disait. Il avait un discours très circonstancié sur les faits qu'il racontait concernant les parties sadomasochistes et les gens qu'il impliquait dedans. Suffisamment intéressant, je vous le répète, pour que non seulement les journalistes, mais les enquêteurs et le juge d'instruction prennent ça au sérieux, du moins pendant quelques heures, et vérifient très vite si c'était vrai ou faux. Et ça, ça fait partie de leur boulot. Ils l'ont fait très vite et très bien. Donc nous avons après un peu suivi le mouvement. Mais au départ, bien sûr qu'on voit tout de suite que Jamel n'est pas quelqu'un, on va dire, de parfaitement équilibré. Mais enfin, combien de spectateurs qui ont entendu le témoignage de Jamel ont vu la journaliste s'expliquer quelques jours plus tard? Peu, probablement. Info, contre-info, démenti, une nouvelle en zap une autre. L'erreur est vite oubliée et n'alerte pas l'ensemble de la profession. Pourtant, au sein des bureaux de la gendarmerie, un doute s'est installé. À la mi-mai, face aux allégations de ces témoins, une seconde équipe d'enquêteurs est créée afin de vérifier les témoignages. Ces experts, en quelque sorte, recensent de nombreuses invraisemblances. La plupart des médias le savent, mais préfèrent profiter encore un peu du scandale avant de baisser le rideau. Le 1er juin, au lendemain du Mea Culpa de France 2, comme chaque dimanche, Carl Zéro présente, lui, le vrai journal. Ce jour-là, il lit une lettre d'un admirateur, un certain Patrice Allègre. Salut Carl. Tout d'abord, merci de me donner l'opportunité de m'exprimer par ton biais. J'apprécie ton émission. De plus, à qui d'autre aurais-je pu en faire part sinon à toi? C'est gentil. On me reproche d'avoir commis des assassinats pour le compte d'autres personnes. Tu sais, Carl, c'est une spirale infernale. Ça, c'est incroyable ce qu'il nous dit là. Il est en train de reconnaître qu'il est l'exécuteur, que c'est quelqu'un qui... La spirale infernale, ce n'est pas lui qui tue en proie à ses pulsions, comme c'était le cas dans le premier procès sur les premières affaires. C'est Patrice Allègre, exécuteur aux ordres. La spirale infernale. On ne s'en sort plus et tout le monde se tient. Peu de temps après, une soirée a eu lieu dans une maison de maître non loin de Toulouse. Il y avait la Patricia, Monsieur Truc et moi-même, ainsi que deux couples qui s'y trouvaient. J'ai donc soumis le problème à Monsieur Truc et à Monsieur Truc, et après concertation, j'ai été chargé d'aller récupérer les cassettes en question et de faire taire Claude Martinez, ce que j'ai fait. Voilà des semaines qu'on parle de lui sans qu'il ne dise un mot. Devenu un second rôle, un simple exécuteur, Allègre, il s'agit de lui, décide de participer à ce jeu de massacre. Alors que 3 semaines plus tôt, il l'indiquait n'avoir jamais vu Patricia, Fanny et Lynn Galbardi, ce 1er juin, il se souvient de ses femmes, de la demeure et des noms de personnalités que Carl Zéro préfère dissimuler à l'antenne sous les pseudos de Monsieur Truc. Une attention que n'aura pas le journal Le Monde, qui publie dès le lendemain la lettre d'Allègre sans recouvrir les noms de Dominique Baudis et de Marc Bourraquet. Carl Zéro, lui, profite du filon que vient de lui offrir Patrice Allègre. Le 8 juin, il diffuse un long entretien avec Patricia, durant lequel elle parle de séances SM avec des gamines et des mineurs. 7 jours plus tard, Carl Zéro diffuse en exclusivité les confidences de Fanny, celles dont on n'a jamais entendu la voix. Le visage dissimulé, elle évoque elle aussi la présence d'enfants pendant ses soirées. Au moment où il a ouvert la porte, j'ai pu entrevoir des mineurs de cette pièce-là, où il y avait sur le mur des crochets. Oui. Et bon, je me suis pas éternisée sur la porte, quoi. Je suis vite redescendue dans la salle où il y avait. C'est-à-dire, il y avait des mineurs de quel âge? 12 ans. 12 ans. 12, 13 ans. Tu n'as pu t'en ouvrir à personne de ça? Non. C'est la seule fois où tu as assisté à une scène de pédophilie. Oui. Durant ces semaines de folie collective, de nombreux journalistes ont fait de Fanny et de Patricia des héroïnes, elles, les ex-prostituées qui ont décidé de briser une loi du silence pour confondre notables, pervers et violents. Est-ce que les journalistes qui les ont rencontrées ont douté d'elles? Sans doute, mais pour l'heure, elles étaient encore les victimes qu'il fallait écouter. Quelques jours après le passage de Fanny sur Canal+, les lecteurs du Monde découvrent un long article titré « Les enquêteurs reconstituent l'histoire de la maison du lac de Noé ». Ce 16 juin, ce journal réputé, respecté, sous la houlette d'Louis Plenel, annonce que des preuves et des éléments matériels auraient été découverts. Derrière les tentures qu'ils ont arrachées, les gendarmes ont découvert dans les murs plusieurs fixations d'anneaux qui avaient été meulés. Ces anneaux étaient situés bas, à une cinquantaine de centimètres au sol, à hauteur d'enfant ou d'une personne devant se tenir accroupie ou à quatre pattes. En refermant le quotidien, les journalistes des autres médias appellent la section de Toulouse pour leur demander de confirmer l'info. À chaque appel, le lieutenant-colonel Henri rétorque que tout est bidon de A à Z. Le lendemain, le procureur dément formellement les prétendues constatations contenues dans cet article. Et peu à peu, le mur des mensonges se fissure. Le 17 juin, Allègre revient sur ses aveux épistolaires. Le 19, Patricia est mise en examen pour avoir orchestré les révélations de Jamel. Esselée, elle joue alors un dernier coup de bluff. Sans qu'elle n'en ait jamais parlé, elle témoigne d'un viol en 1990, le jour de ses 20 ans, en présence de Dominique Baudis. À l'époque, celui-ci était maire et député. Sa vie était organisée à la minute près. Dans ses agendas, tout était noté, archivé. Or, ce jour-là, il était à l'Assemblée, à Paris, pas à Toulouse. Les faits, enfin, vont le sauver. Le 17 septembre, la jeune femme est confrontée à Dominique Baudis. Dès ses premiers mots, Fanny reconnaît en sanglotant ne l'avoir jamais vue. Le lendemain, Le Monde titre « Dominique Baudis innocenté dans l'affaire Allègre ». Dans les jours qui suivent, de nombreux médias dont Le Monde passent au confessionnal. Chacun reconnaît ses erreurs, puis révèle la mécanique qui a fait que la machine s'est emballée. La seconde affaire Allègre disparaît ainsi des radars médiatiques, attendant que la justice se prononce. Le 25 mars 2005, elle décrète un non-lieu général dans l'affaire dite des orgies sadomasochistes. Patricia et Fanny, elles, sont condamnées à 3 ans fermes et 18 mois de prison concernant le faux témoignage de Jamel, dont elles étaient complices. En 2009, elles sont reconnues coupables de dénonciation calomnieuse et sont condamnées respectivement à 3 et 2 ans de prison avec sursis. Le tribunal correctionnel alloue 1 euro de dommages et intérêts à Dominique Baudis et à Marc Bourraguet, victime d'accusations mensongères. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur quand ça va plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire, et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules. À la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien. L'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux. Pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous. Avec le temps, avec le temps, va tout s'en va. Avec le temps, avec le temps, va tout s'en va. Avec le temps, avec le temps. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Baudis-Alègre en 2003. Notre invité, Mathieu Aron, bonjour. Bonjour Fabrice. Grand reporter, conseiller éditorial de l'Obs. Vous êtes un ancien de France Inter, vous en avez même dirigé la rédaction. À l'époque des faits, donc de cette affaire-là, vous étiez à France Info. Donc en 2003, deux ans plus tard, en 2005, vous écrivez avec Marie-France Etchegoïne le livre intitulé « Le bûcher de Toulouse » qui raconte cette histoire qui revient avec précision sur la mécanique de cette mystification. Alors probablement, et j'imagine que les auditeurs se sont posés cette question peut-être tout au long du récit, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? À qui on en veut? Est-ce que c'est un complot contre Baudis? C'est quoi le but de la manœuvre? Nous, on avait, quand on a fait ce livre, on a mis des mois et des mois d'enquête. De contre-enquête. J'imagine. On a lu des centaines, je dirais même des milliers de PV. Revu tous les protagonistes pour essayer de comprendre avec la même question que vous me posez. en réalité, il n'y a pas un complot qui a été bâti par un grand Mephisto de A à Z, quelqu'un qui aurait décidé de faire tomber Baudis. Non, c'est une succession absolument incroyable de dysfonctionnements. Et de la part de tout le monde. De la part de tout le monde. Oui. Avec un gendarme qui a cru dans une vérité et qui s'est complètement trompé. Roussel. Avec un procureur qui a commis la même erreur. Avec certains gendarmes qui aussi se sont trompés. Avec des journalistes qui ont fait n'importe quoi. Et là-dessus, c'est vrai, se sont mêlés d'autres intérêts, qu'ils soient politiques ou journalistique pour s'en prendre à un magistrat en particulier et à Dominique Baudis. Mais si vous voulez, s'il y a eu une forme de vengeance, elle s'est greffée sur du n'importe quoi qui existait déjà, si vous voulez. Donc c'est pas quelqu'un qui a décidé un jour de monter ça de A à Z, quoi. D'accord. Alors il y a eu, parmi l'ensemble des dysfonctionnements, il y en a un qui part, si j'ose dire, d'un bon sentiment, mais qui est assez mortifère, finalement, c'est la parole des témoins, des prostituées qu'on va considérées du début jusqu'au moment où on peut plus le faire, comme des victimes. Donc, si elles sont victimes, on va les écouter. Et ça, c'est parmi les chemins qui mènent à l'erreur, j'imagine. Oui, comme vous le dites, ça part d'un bon sentiment. En matière de justice et de police, les bons sentiments, c'est pas forcément ce qui nous amène directement à la vérité. Les enquêteurs le savent bien. Et les journalistes faits diversiers aussi. Une partie de la presse, pas toute la presse, mais une partie de la presse, et d'ailleurs le gendarme Michel Roussel lui-même, a vraiment cru que ces anciennes prostituées avaient dissimulé la vérité parce que ce qui leur était arrivé était tellement horrible qu'elles ne pouvaient pas révéler la vérité. Il est parti de cet axiome, pratiquement, on peut le dire. En réalité, alors il y a une ancienne prostituée et les autres, hein. C'est très important de comprendre. Pierre Patricia, vous la mettez. Voilà. Il y a une ancienne concours, si j'ose dire. Hors concours, oui, comme vous dites. Non, il y a une ancienne prostituée qui s'appelle Patricia, qui jouait plutôt le rôle de mère maquerelle et qui dirigeait les prostituées sur le trottoir. C'est elle qui est mise en cause dans l'assassinat donc que vous rappeliez tout à l'heure dans votre récit de Lynn Galbardi. Et très vite, les gendarmes qui enquêtent là-dessus vont se dire que cette femme, Patricia, ne dit pas la vérité. En réalité, ils la suspectent d'avoir joué un rôle dans cet assassinat. Et c'est elle qui, la première, pour se dédouaner, va se mettre à raconter un récit fantasmé qui va tomber dans l'oreille de Michel Roussel, qui va correspondre à ce qu'il pense aussi par ailleurs. Oui. Et c'est comme ça que se construit l'histoire. Quand elle commence à dire qu'elle n'a pas pu dire la vérité parce que, en vérité, il y a des policiers corrompus qui empêchent que la vérité soit dite et qu'ils s'aperçoivent que des enquêteurs gendarmes écoutent ce qu'elle dit, eh bien elle continue. Alors les gendarmes lui disent « Mais attendez, d'accord, ok, les policiers sont corrompus, mais vous auriez pu aller voir des magistrats. » Et alors là, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle dit « Ben non, c'est pas possible, puisque les magistrats étaient dans le même réseau corrompu que les policiers. » Et puis, il faut à chaque fois qu'elle grimpe un échelon. On lui dit, d'accord, mais enfin, les juges peut-être, mais vous n'avez pas eu envie d'aller voir le maire pour lui dire la vérité. Ah, mais c'est parce que le maire aussi, lui aussi, était corrompu. C'est comme ça que la mécanique se met en place. Donc, là, les gendarmes, ah bon, qu'est-ce que vous avez dit là? Voilà. Et en fait, elle anticipe pratiquement leur réponse. Mmh. Et comme de l'autre côté, l'enquêteur principal, Michel Roussel, est convaincu que Patrice Allègre, le tueur en série, a fait d'autres victimes. Et cet enquêteur se dit, s'il a fait d'autres victimes, et si ces victimes n'ont pas été découvertes, c'est qu'il doit y avoir une raison. Et donc, quand il tombe sur cette prostituée qui lui explique qu'il y a un réseau de policiers et de magistrats corrompus, Et ben voilà, la jonction est faite. Si les crimes inexpliqués d'Allègre n'ont pas été dévoilés jusque-là, c'est parce que des gens avaient intérêt à ce que ça reste secret. Et c'est comme ça que la mécanique infernale se met en place, si vous voulez. Et pourquoi Allègre, lui, intervient à un moment, on l'a raconté dans le récit, qu'est-ce qu'il cherche ? Allègre, je pense qu'il cherche à se faire connaître. Vous savez, tous ces gens, quand même, ont une psychologie très, très, très particulière. Hein. Un certain nombre de ces anciennes prostituées que j'avais rencontrées à l'époque sont des gens qui ont des fragilités psychologiques. C'est pas des gens forcément qui ont les mêmes réflexes que vous et moi. C'est des gens qui peuvent être attirés à un moment donné parce que les médias disent d'eux, c'est un tueur en série qui peut trouver un intérêt à aller accuser d'autres gens pour se dédouaner en partie ou pour se rendre intéressant, ou parce qu'il espère que derrière il va pouvoir toucher un petit peu d'argent aussi. Il y a eu ça dans cette histoire. Donc voilà, ce sont tous ces mécanismes-là. Quand vous arrivez, vous, sur l'affaire, c'est quoi l'ambiance ? Qu'est-ce que vous découvrez à Toulouse ? Alors moi, j'ai eu une chance dans cette histoire, c'est de ne pas arriver parmi les premiers. Alors c'est assez rare de dire ça oui, quand on est journaliste, oui. c'est même un peu étrange. Non, soyons honnêtes, je pense que si j'étais arrivé avec quelques-uns de mes confrères tout au début de l'histoire, et si j'avais pris les mêmes extraits de procès-verbaux que me donnaient des avocats, j'aurais probablement plongé comme les autres. Je ne suis pas plus malin qu'un autre. En arrivant 2-3 semaines plus tard, j'ai eu la possibilité de m'apercevoir quand même que un certain nombre de confrères, mais aussi d'avocats, mais aussi du procureur, mais aussi de gendarmes, tout le monde travaillait ensemble. Tout le monde travaillait ensemble. Et vous savez, dans toutes ces histoires judiciaires, quand on arrive à cette catastrophe, généralement elle est collective. Ça veut dire que aucun des garde-fous qui normalement devraient fonctionner ne fonctionne. Généralement, dans une affaire judiciaire, vous avez un enquêteur qui peut se tromper, mais un magistrat qui peut dire « attention, vous êtes en train de commettre une bêtise », voire la presse qui peut souligner un certain nombre d'erreurs. Et quand ça dysfonctionne, ça veut dire que tous les éléments ont dysfonctionné ensemble. Ça arrive parfois, c'est ce qui s'est passé. Et ça, vous en aviez conscience, vous, au moment où vous êtes arrivé, parce que vous aviez effectivement le bénéfice de l'expérience malheureuse des 15 jours avant. Oui, en partie. Et puis moi, je vais vous dire, quand je suis arrivé, j'ai fait quelque chose. J'ai donc lu les extraits de PV que mes confrères s'étaient aussi fournis. Et puis j'ai fait un truc tout bête, c'est que j'ai décroché mon téléphone, c'est que j'ai appelé un petit peu tout le monde. Déjà, j'ai quand même été très frappé de rencontrer ces anciennes prostituées qui quand même avaient des vraies fragilités, comme l'on dit, hein, qui avaient des discours que je ne trouvais pas cohérents. Donc déjà, ça m'a mis la puce à l'oreille. Après, j'ai fait quelque chose, et je m'en souviens très très bien, j'ai appelé Dominique Bodis. Ouais. Donc je lui ai dit, est-ce que vous accepteriez de me rencontrer ? Et Dominique, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, que je n'avais jamais vu ou jamais avec qui j'avais jamais eu la moindre conversation. Dominique Bodis m'a proposé de passer le voir chez lui. Je suis arrivé, je lui ai posé des questions. Ce qui m'a frappé, c'est de pouvoir le voir, de pouvoir le rencontrer aussi facilement, aussi rapidement. Quand je lui ai dit, merci beaucoup de m'avoir reçu en 24 heures, il m'a dit, vous savez, vous êtes tellement peu à m'appeler. Il n'y a deux ou trois autres confrères qui m'ont appelé. Je rappelle que Dominique Bodis était journaliste avant d'être maire de Toulouse. Ça veut dire que il y avait des journalistes qui étaient tellement convaincus qu'il était le monstre que décrivaient ces anciennes prostituées que soit les journalistes n'osaient même pas aller le voir, soit les journalistes devaient se dire que finalement ils allaient confier des informations à Dominique Bodis. Mais tout ça pour vous expliquer que tout ça part entre guillemets de ces fameux bons sentiments qu'on évoquait au début de notre entretien. C'est-à-dire que les journalistes, comme les gendarmes, comme les magistrats, avaient le sentiment d'agir pour le bien. Ils s'étaient auto-convaincus de cette thèse. Donc, à partir de là, ils fonctionnaient un petit peu comme des croisés, il faut le dire, quoi. Alors, on va écouter parmi ces croisés, Michel Roussel, vous êtes le premier d'entre eux, l'enquêteur principal. En janvier 2004, donc juste après les faits, sur le plateau de Pièces à conviction, il répond aux questions d'Élise Lucet. Au fil des mois, vous vous rendez compte que je me suis complètement fait embarquer par ces filles. Je ne sais pas où j'ai mis les pieds. Et je me retrouve en fait quasiment au point de départ où effectivement j'ai fait le magnétophone, j'ai enregistré, j'ai beaucoup de choses, sauf que je suis bien incapable de faire le tri dans ce que j'ai enregistré. Et est-ce que d'ailleurs quelqu'un sera capable de faire le tri dans ce qui a été enregistré ? Bien sûr, tout est vérifiable pour commencer. Je n'ai pas eu à vérifier puisque la mission ne m'a pas été confiée. Et puis à partir du moment où une partie est fausse, dont acte. Je ne vais pas m'élever contre le fait que ce soit faux, dont acte. Mais la partie qui s'est révélée être fausse ne doit pas faire disparaître la partie vraie, puisqu'il y a une partie qui recoupe des faits de constatation, de scène de crime. D'accord ? Donc le vrai ne doit pas faire avaliser le faux, mais le faux ne doit pas faire disparaître le vrai. Et vous ne vous en voulez pas, à un moment justement, d'avoir vu émerger du vrai, du faux, que tout ça soit rendu public, que tout soit, se soit retrouvé dans un espèce de déferlement médiatique. Oui. Et est-ce que vous vous dites, moi, j'ai ma part de responsabilité là-dedans ? Certainement pas. Certainement pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que nous avons fait ? Notre devoir, qui est de recueillir un vécu. L'apparition médiatique de certaines personnes ne m'appartient pas. Je l'ai subi. Nous l'avons subi. Qu'est-ce que ça vous inspire, Mathieu Aron, ce que vient de dire Michel Roussel, et l'avez-vous rencontré ? Oui, oui, bien sûr, j'ai rencontré à plusieurs reprises Michel Roussel. Bon, il a un côté chevalier blanc. D'ailleurs, si j'ose dire, on le voit, ou plus exactement, on l'entend dans cet extrait sonore que vous venez de diffuser. Il n'a pas beaucoup de doutes, hein, Michel Roussel. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, à l'époque, il est absolument convaincu que ce tueur en série a commis d'autres assassinats. Il est d'ailleurs dans la brigade de gendarmerie à peu près le seul à en être convaincu. Il va donc travailler dans un premier temps tout seul. Il va être dans une toute petite pièce avec des monceaux de dossiers, essayer de retrouver des crimes qui n'ont pas encore été élucidés. Au sein de la cellule homicide 31 ? Au sein même de la gendarmerie de Toulouse. D'accord. Il se trouve qu'à l'époque, il y a d'autres gendarmes dans d'autres dossiers en France qui ont fait la même chose. Et certains, eux avaient raison. Eux avaient raison et ont retrouvé des crimes élucidés. La hiérarchie de la gendarmerie avait peu pris au sérieux ces premiers gendarmes. Et ça leur était retombé dessus, parce qu'on leur avait dit, finalement, vous n'avez pas aidé des enquêteurs, alors que vous auriez dû le faire. Donc, quand Michel Roussel, à son tour, explique qu'il va aussi trouver des crimes élucidés, la hiérarchie de la gendarmerie décide de faire l'inverse de ce qu'elle faisait quelques années plus tôt, c'est-à-dire qu'elle va lui donner des moyens, d'une part, avec ce logiciel Anacrim dont vous parliez tout à l'heure. Mmh. Et deuxièmement, elle va faire autre chose, elle va médiatiser le cas de Michel Roussel. Donc, pendant qu'il est en train de rechercher ses crimes élucidés sur Toulouse, discrètement, Michel Roussel rencontre un certain nombre de journalistes locaux, mais aussi parisiens, qui descendent et qui font toute une série d'enquêtes sur ces crimes élucidés qu'on est en train de chercher. Ça explique pourquoi, au moment où éclate ce dossier, Michel Roussel a plein de contacts dans la presse. Pourquoi aussi cette affaire a fuité comme ça dans les médias ? Alors, on n'a pas abordé encore, mais enfin, Dominique Baudis était une personnalité de la droite centriste française. On a pensé qu'd'ailleurs, il pouvait avoir à certains moments un grand destin jusqu'au bout. Ben non, finalement, c'était plutôt un grand destin local. Hein. Il a repris la mairie de Toulouse, son père avait été maire de Toulouse, et puis président du CSA, une belle carrière au bout du compte. Mais alors, la droite est au pouvoir à l'époque, Nicolas Sarkozy est au ministère de l'Intérieur, Dominique Perben est à la justice, en principe ce sont des alliés, ce qu'ils l'ont vraiment soutenu. Pas beaucoup entendu, mes souvenirs me disent cela en tout cas. Non, non, ils ne l'ont pas vraiment soutenu, on peut le dire comme ça et on peut le dire de cette façon. Il faut savoir que Dominique Baudis, tout homme politique qu'il soit, n'est pas un homme politique qui avait développé des réseaux absolument considérables. C'était un homme seul. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que moi, je sais que quand j'ai été le voir, comme je vous le disais tout à l'heure, j'avais été frappé déjà par son visage. Donc l'affaire avait une quinzaine de jours. Et c'était extraordinaire de voir un homme dont si vous voulez, les yeux et les pommettes étaient tombés de 2 à 3 centimètres, tellement il était marqué par ce dossier. Accablé, ensuite, comme un fardeau. Accablé. Ensuite, il faut savoir que dans le son que vous avez repassé, il dit assez vite, on va reprendre mes agendas et on va voir que cette histoire est folie. En réalité, ça a pris des mois, voire un an ou deux avant qu'effectivement il soit véritablement blanchi par la justice. Et ça, il faut les vivre quand même. Il faut les vivre. Terrible. Et il faut les vivre seul. Quand je dis seul, bien sûr, il a été entouré par sa famille, par sa femme, de manière admirable, mais il a perdu pratiquement tous ses amis. Dans son entourage politique, il ne lui est resté que 2 ou 3 personnes. Et c'est assez frappant d'ailleurs, parce que les 2 personnes qui l'ont soutenu, c'est un élu communiste contre qui il avait lutté des années durant quand il était maire de Toulouse, et un avocat proche de l'extrême droite. Ce sont les 2 seules personnes qui, dès le départ, ont dit « Non, cette histoire, c'est folie. On a beau être des opposants politiques de Dominique Baudis, il n'y a pas de raison de rentrer dans cette curée. » Mais à part ça, il était seul, Dominique Baudis, intégralement seul. Il y a un côté terrible dans cette histoire, bien sûr. Voilà, pour un homme politique à ce moment-là, ou pour un homme, tout simplement, d'ailleurs. Bien sûr. Alors, il y a aussi, dans cette histoire, un côté pas forcément glorieux pour notre profession. Hein. Alors, en aviation, l'accidentologie, malheureusement, elle sert à la sécurité. Parfois, dans le journalisme, pas toujours, on retient pas toujours les leçons de nos errements. Durant le récit, nous avons entendu l'incroyable justification de la journaliste de France 2 qui avait rencontré Jamel. On va écouter maintenant le témoignage de Nicolas Fichot du journal Le Monde, qui s'explique sur le fameux article de la maison du lac de Noé dont nous avons parlé également pendant le récit. Et là, il s'agit d'un extrait de l'émission Arrêt sur image du 21 septembre 2003. Quand vous écrivez, quand vous parlez de sang dans votre article et que vous l'écrivez, vous êtes allé un peu loin ou pas ? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Je crois que dans l'article, je ne dis pas c'est du sang. Je dis qu'elle dit qu'à son avis, ça pourrait être du sang. Je crois que c'est ce qui est écrit. Il faudrait vérifier. Non, mais je l'ai là, en fait. Ouais. Je peux vous dire ce qu'elle dit exactement. Ces moquettes de ton gris étaient couvertes de taches brunâtres que la propriétaire a identifiées comme du sang séché. Ouais. J'aurais dû écrire, aurait identifié. Elle y a pensé. Quand vous écrivez des employés de l'hôtel de l'Arche ont indiqué au Monde qu'à plusieurs reprises des draps ensanglantés avaient été apportés pour y être lavés dans la machine de l'établissement. Oui. Donc c'est des employés de l'hôtel de l'Arche oui. qui vous donnent ces informations. Oui. C'est ça. Oui. Ça, enfin, parce qu'il n'y en avait pas 40. Et ce sont des amis des employés. Vous savez, quand une employée dit à un dîner, tiens, c'est marrant. Avec des amis, j'ai encore lavé des draps plein de sang qu'a amené la femme. Pas de sang, de taches bizarres, de sang, ça partait pas sa petite machine, alors ils l'ont amené à l'hôtel pour que ça parte. Si elle le dit à deux autres amis, ça va circuler dans Noé. Donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, si c'est dit raisonnablement, sans engeance et sans envie de nuire, on peut se dire qu'il y a peut-être du vrai. Qu'est-ce que ça vous inspire, Mathieu ? On va pas juger nos collègues, hein, parce non, que c'est compliqué. Non, c'est ce mais que j'allais vous dire. Voilà, on peut aussi en parler sereinement. On ne va pas juger. Il faut savoir que dans cette affaire, il y a des journalistes qui se sont fait piéger. Tout à l'heure, vous parliez de cette journaliste de France Télévisions. Elle a été l'objet d'un piège, puisque Patricia, elle-même, dont on parlait tout à l'heure, bien sûr. Monté un véritable scénario au moment où elle fait rencontrer Jamel à cette journaliste pour lui faire croire que Jamel est menacé de mort à ce moment-là. Et c'est un véritable scénario qu'elle met en scène. Il y a ça, donc il y a des journalistes qui se sont fait piéger. Voilà, ça peut arriver à tout le monde. Après, il y en a qui ont été un petit peu plus loin. Dans le cadre de cette maison de l'horreur, il y a quand même des choses qui sont passés, qui sont quand même curieuses, puisque le journaliste qu'on vient d'entendre, par exemple, a recueilli des témoignages. Bon, ça, c'est son métier, hein, et c'est tout à fait son droit, et c'est normal. Après, ce qu'on peut trouver d'un peu plus étrange, c'est qu'il a été voir les gendarmes, et il leur a dit, voilà, moi, j'ai recueilli tel et tel ou tel élément. Et puis après, il a fait un papier en expliquant que les gendarmes étaient sur la piste de tel ou tel élément. Le papier qu'il a fait, c'était sur sa déposition personnelle. Quelque part, en faisant ça, il voulait crédibiliser les informations qu'il avait eues. C'est plus discutable comme méthode journalistique. Et ce qui est discutable aussi, peut-être, ce sont les interviews de Carl Zéro, mises en scène, dans une sorte d'infotainment, quand même. On est dans la mise en scène totale. C'est de l'info-spectacle pur et dur. D'ailleurs, quand on écoute les sons aujourd'hui, ou quand on revoit des images, on se dit, mais comment cela a-t-il été possible ? Comment cela a-t-il pu être diffusé ? Et comment on a pu croire une seconde à ça ? Et pourtant, dans l'ambiance du moment, bah voilà, ça s'est passé. Alors, on discute actuellement d'une loi sur les fake news. Hein. Quels auraient été les risques pour ces médias si cette loi avait existé en 2003 ? Et puis, finalement, cette loi aurait-elle été un rempart à cet emballement ? Bon, alors, je crois que c'est pas tout à fait du même registre, si je puis me permettre, puisque le dispositif qui est actuellement à l'étude, qui est discutable, hein, qui est tout à fait discutable, d'abord il a pas été totalement adopté, c'est très bien qu'il soit discuté, on peut s'interroger pour savoir si c'est l'autorité politique qui doit forcément intervenir là-dedans, ça c'est tout de même une première question fondamentale. Deuxièmement, il s'agit là, en la matière, de voir comment on peut tracer des contenus qui passent via des réseaux sociaux quand ils ont été sponsorisés pour retrouver effectivement qui a payé. Voilà. C'est pas de la même nature, je crois que c'est difficilement comparable. Merci cher Mathieu Aron de nous avoir apporté vos souvenirs et vos éclairages sur cette affaire. Merci. Merci beaucoup.